Bonsoir à tous et à toutes en ce vendredi 21 décembre. Bienvenue à l'émission Le Terminus. Je m'appelle Jean-François Lusignan. On est ensemble pour la prochaine heure pour du rock indépendant. Et ce soir, émission un peu spéciale dans la continuité du potluck juste avant moi et de l'émission spéciale de 4 heures du top 50 de CISM qui est déjà disponible, il semblerait, sur Internet. Donc, vous pouvez aller voir ça. Donc, sinon, je trouvais quand même important, avant de changer d'année, de faire un petit retour sur ce qui a joué à l'émission cette année et qui valait le coup de peut-être réentendre une dernière fois à l'émission de cette semaine. Donc, top 2012, pas vraiment, donc un peu tout mélangé. Il va y avoir donc 10 groupes anglophones et 4 groupes francophones, donc vous allez entendre. On va débuter ça avec Beer Hug, qui est un band de Sydney, et leur album Bill Dance Shiner, qui est leur premier album, est sorti au mois de mars dernier. On va entendre tout de suite la chanson Angeline, donc du groupe Beer Hug, à l'émission Le Terminus. We'll be right back. Le duo de Vancouver, Japan Joeheads, un incontournable cette année, avec la chanson Younger Us, et ça se retrouve sur Celebration Rock, sorti donc cette année en 2012. Et le groupe était à Montréal le 10 décembre dernier au cabaret du Myland, et ben j'étais pas là. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ils seront par contre en Australie et en Asie là, au début de l'année prochaine. Et je lisais cette semaine, non, la semaine dernière, dans, je pense, un article de la presse, un supposé expert qui prédisait qu'en 2013, ça serait l'année du retour des années 90. Je pense qu'on n'a pas connu la même année 2012 que cet expert-là. En fait, on a vraiment connu cette année une espèce de retour des sonorités comme le grunge ou le shoegaze. Et on a, entre autres, par exemple, en exemple, le groupe Chinese, qu'on va entendre tout de suite, qui est un groupe d'Australie. Parmi les autres tendances cette année, il y a également l'éclosion de plusieurs groupes australiens. Donc, The Chinese en est un bon exemple. On va entendre la chanson « Ennui ». Et c'est un extrait d'un album qui s'en vient bientôt. Et Chinese font une espèce de mélange de rock alternatif, justement, qu'on attendait beaucoup dans les années 90. Et de grunge, on écoute ça tout de suite sur les ondes de CISM. Chinese, la chanson « Ennui ». De leur album Le Grand Réveil, c'était Mardi Noir avec Rivo. Et Mardi Noir, un nouveau groupe formé, entre autres, d'anciens de Psycho Riders, Le Nombre, Caféine et plein d'autres bons groupes rock locaux. Et Mardi Noir disait, justement, lorsqu'il était au passage ici à CISM pour une session live dans les dernières semaines, que l'album Le Grand Réveil avait été largement inspiré par, justement, le grand réveil de la société québécoise, entre autres depuis le printemps dernier, dans le cadre, entre autres, de ce qu'on appelle le printemps érable, voilà. Et sinon, avant Mardi Noir, c'était Hors Condor avec Motoriste, et au sujet d'Hors Condor, le groupe a dit de son côté en entrevue qu'il aimait beaucoup la formule des 7 pouces, donc il faudrait s'attendre dans les prochains mois à d'autres parutions sous ce format-là, donc peut-être pas d'album complet pour Hors Condor, un autre groupe rock francophone assez intéressant sur la scène locale. Et en écoutant les deux groupes, je me disais, voyons, qu'est-ce qui se passe. On a supposément quand même certaines radios dédiées au rock ici à Montréal, et ces deux groupes-là ont pourtant toutes les qualités pour passer sur ces radios-là, et c'est pas le cas actuellement, donc peut-être que l'année prochaine, ça pourrait être le grand réveil également de ce côté-là. Donc on va passer maintenant avec des groupes avec un son un peu plus shoegaze pour commencer. Ringo Dead Star, la chanson Girls We Know de leur album Mauve, qui était sur le palmarès la semaine dernière, palmarès qui fait place au top 50 pour les prochaines semaines. Donc voici Ringo Dead Star, Girls We Know, à l'émission Le Terminus spécial Palmarès 2012 sur les ondes de CISM. We'll be right back. Chasing My Mind, Holograms, de leur premier album qui s'appelle Holograms, qui est sorti à la fin du mois d'août. Un album que j'ai un peu réécouté dernièrement et je pense que j'aurais honnêtement pu en faire jouer plusieurs chansons dans l'émission de ce soir, mais bon, je me suis contenu seulement cette chanson-là, Chasing My Mind, et Holograms qui sont signés sur Capture Tracks, c'est une étiquette vraiment dont on a beaucoup parlé cette année, en 2012, et qui devrait encore continuer à faire parler d'elle l'année prochaine. En fait, ils existent seulement depuis 2008, hein, Capture Tracks, étiquette de Brooklyn, et il n'y a pas vraiment d'artistes inintéressants dont ils ont fait paraître de la musique depuis leur création, donc vraiment, on continue à surveiller leur production de Capture Tracks. Maintenant, avant le Grams, avait aussi entendu, c'est vrai, du Twilight Sad, Don't Look At Me, de leur album No One Can Ever Know, groupe écossais que j'ai vu en spectacle au Il Motori. C'était au mois de février, au moment où l'album est sorti. Et vraiment un très, très bon spectacle également. Chanteur du groupe qui est très théâtral et qui incarnait super bien les chansons un peu mélancoliques de Twilight Sad, et qui a amorcé un petit changement, un petit tournant dans son son avec l'intégration un peu plus de claviers et de sonorités un peu plus industrielles, si je pourrais dire, dans leur son qui était déjà marqué par un des murs de guitare, et maintenant ils ont ajouté une couche de plus, ce qui est pas mal intéressante. On poursuit avec un autre coup de cœur cette année, c'est Cloud Nothing, qui a beaucoup tourné CSASM, entre autres sur le palmarès. C'est de leur album Attack on Memory. On va attendre tout de suite. Donc, Cloud Nothing, la chanson No Sentiment sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. Attack on! silence under us, a moon that there's no error to unwind. Jusqu'à 22h, vous écoutez l'émission Le Terminus, édition spéciale, échantillon de ce qui est sorti en 2012 et qui avait tourné à l'émission et que j'avais le goût de vous refaire jouer ce soir, voilà. Et on vient d'entendre justement, parmi ces chansons-là, ces groupes-là, Nine Black Harps et la chanson Find It My Own Way. C'est ce extrait de l'album Sirens et juste avant, le trio canadien Kestrels avec Dumb Angel, qui se retrouve, une chanson qui se retrouve quant à elle sur A Ghost History. On va tout de suite continuer parce que le temps file avec cette fois-ci deux chansons francophones avec, pour commencer, Kepler, un groupe qui est vraiment éclos, ou en fait qu'on a découvert cette année et qui a sorti un EP de trois pièces qui s'appelle Matière Grise, dont les trois chansons ont beaucoup tourné, encore une fois, ici à CSM et à l'émission. Vous allez entendre mieux qu'ici. Donc, on attend d'autres choses de ce groupe-là au courant de l'année prochaine. Sinon, ensuite, après Kepler, ce sera Esther Mika, groupe un peu plus établi, qui a sorti cette année un album qui s'appelle un instant, Animaux Noirs. Et le groupe a sorti cet album-là qui valait vraiment la peine d'être écouté, mais qui n'a pas eu beaucoup de promotion. Ça s'explique en partie parce que le chanteur du groupe habite en Finlande, donc le chanteur est venu ici pour le lancement. Et même l'album avait été fait à distance, donc c'est assez impressionnant. Donc il n'y a pas eu beaucoup de promotion autour de cet album d'Esther Mika. Enfin, on va entendre la chanson « Les grands vents gueulent blanc », mais on commence tout de suite avec Kepler, mieux qu'ici, sur les ondes de CISM. Thank you.

Bonjour, ici Philippe B et vous écoutez CISM. Oui, oui, CISM. Je n'irai pas. Tannée des parties du jour de l'an plate, trop cher et qui joue de la musique poche? Spasme a la solution pour vous. Ce 31 décembre, venez au Party du jour de l'an Old School au Théâtre Plaza. Chaque heure, on change de décennie musicale. À 22h, les années 60. À 23h, les années 70. À minuit, les années 80. À 1h, les années 90. Et à 2h, les années 2000. Party du jour de l'an Old School en collaboration avec Boréal. Le 31 décembre au Théâtre Plaza. Bien en vente maintenant. Pour tous les détails, consultez spasme.ca. Grosse Boîte est fière de vous annoncer la participation de ses artistes à Montréal en lumière. Ne manquez pas Canaille et Bernard Adamus le 23 février au Métropolis. Gros Méné et la descente du coude le 27 février au Club Soda et la rentrée montréalaise de Fanny Bloom le 28 février au Corona. Pour plus de détails et pour vous procurer des billets, visitez legrosseboite.com. Edenco et Greenland présentent All Time Low et Yellow Card. Le 16 janvier au Métropolis. Avec invité Fireworks. Billets en vente maintenant sur Edenco.